J'aimerais bien rouler les gars ou qu'ils joignent. J'arrive vite te rejoindre, c'est donc bientôt la fin. C'est bring, fuck, bling, bling. Tu fais moi la maligne quand j'emmerde ta copine. Nique sa mère de voir, j'préfère faire un bon son connard. Entendons ça, tout papa part. Club, cigare, ça de café. Je pue la gueule, j'ai déjà fait. J'y viens débarquer avec ma gueule tant parfait. Je pourrais avoir une belle voix, mais désolé, je préfère celle-là. Je sens que t'apportes pour te taper. Alors, emporter au repas, je vais m'emporter. T'apportes un taquet, te taguer. Enfermé dans le pâté, de l'humain attardé. Moi, je me nourris d'arrêter ces dardas. Je te rends mon dard comme d'Artagnan. Le loser vient de gagner, ce son peut t'accompagner. Tu fais chier jusqu'au WC. Personne ne m'élite, personne ne m'imite. Moi, mes cicatrices sur la bite. Ratat.